Christ, Ndikoma Nyanga. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro. J'ai le plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette édition de Voici d'abord l'essentiel. Pour faire face au prix de denrées de première nécessité qui grimpe du jour au jour, le patron de l'Olicom suggère la détaxation de ces denrées alimentaires importées ainsi que la mise en place d'une commission d'experts qui pourront proposer les voies et moyens pour sortir de cette impasse socio-économique. Certains représentants des confessions religieuses au Burundi sont préoccupés par certains administratifs qui ne répondaient pas à leur correspondance. Ils l'ont dit jeudi dernier lors de la réunion tenue à leur intention par le ministre de l'Intérieur. Et la chronique sportive de ce lundi axe sur la boxe, un jeu qui se joue de trois différentes façons. Vous aurez les plus amples explications avec le président de la Fédération de boxe au cours de cette édition. Inosa Ibonimana assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons cette édition par la page sécurité. Beaucoup de coups de fusil provoquant une peur panique au sein de la population ont été entendus la nuit de ce dimanche au centre Kiremba de la commune et province Bururi, selon le colonel Maniragaba, Dieudonné, commissaire provincial de la police. À l'origine, c'est un homme qui a été conduit à l'antenne policière sur place et les membres de sa famille qui étaient contre son arrestation ont tenté de résister à cette position policière. Ainsi, un policier qui montait la garde a tiré des coups de fusil. D'autres en patrouille nocturne dans les environs ont fait de même, croyant que l'antenne policière est attaquée par les malfaiteurs, ce qui n'était pas vrai selon le commissaire provincial de la police. Il fait savoir que quatre personnes, dont cet homme, sa femme, son petit frère et sa mère, ont été directement conduits au cachot du commissariat provincial de Bururi pour interrogatoire. Page économie à présent, la mise en place d'une commission d'experts qui peuvent proposer des solutions au gouvernement afin d'étudier la maîtrise des prix sur le marché serait une solution pour faire face à la flambée des prix des denrées de première nécessité. Point de vue de Gabriel Oussidi, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom, qui suggère également la détaxation des denrées alimentaires importées. Suivez Gabriel Oussidi dans ses propos recueillis par Jean-Marie Mayonga. Nous voyons la hausse généralisée des prix sur le marché burundais, raison pour laquelle il est extrêmement important que le gouvernement du Burundi prenne des mesures urgentes dans le but de freiner cette inflation. La première chose à faire, c'est de tout faire pour qu'il y ait la suppression des taxes sur les produits vivriers importés. Je pense que c'est extrêmement important. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est la mise en place d'une commission mixte, multidisciplinaire, une commission d'experts où on va trouver des cadres de l'administration spécialisés dans le domaine, des membres de la société civile, des syndicats et autres personnes compétentes qui peuvent proposer des solutions au gouvernement. Et par après, le Conseil des ministres va se réunir pour analyser et adopter des mesures conséquentes pour que cette situation puisse être freinée. Parce que la hausse est vraiment généralisée et apparemment, ça ne diminue pas. Gabriel Oussidi explique que le gouvernement doit étudier comment supprimer le système de monopole et essayer de résoudre le problème du manque de devises qui cause aussi l'inflation. Encore une fois, Gabriel Oussidi. Nous pensons qu'il faut que le gouvernement pense à ce problème de monopole. Nous voyons des monopoles un peu partout. Et vous le savez, quand il y a du monopole, chacun fait tout ce qu'il veut. Regardez au niveau des fertilisants, regardez au niveau des produits pétroliers. Tout ça provoque l'inflation. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit tout faire pour que ce genre de monopole puisse être supprimé. Il faut que le gouvernement trouve une solution au niveau des devises. Les devises aussi provoquent l'inflation. Là aussi, il faut des mesures, des solutions. Urgente à ce niveau. La solution, c'est de disponibiliser les devises. C'est clair. Il y a des mesures qui doivent être prises. Cette commission multidisciplinaire pourrait aider dans ce sens. Mais la suppression des taxes sur les produits vivriers, c'est une mesure urgente qu'il faut à tout prix prendre. En fait, on ne comprend pas comment certains conseils comme le Conseil économique et social ne bougent pas. Nous pensons qu'ils peuvent proposer quelque chose au gouvernement. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro, place à la gouvernance. Certains représentants des confessions religieuses au Burundi sont préoccupés par certains administratifs qui ne répondaient pas à leur correspondance. Préoccupation relevée lors de la réunion tenue à leur intention par le ministère en charge de l'Intérieur jeudi de la semaine passée. Selon Martin Niteretse, à la tête de son ministère, les administratifs ont non seulement l'obligation de répondre, mais aussi celle d'orientation de l'administré sur des questions qui échappent à leurs compétences. Les détails avec Jean Dodu Irakote. Lors de cette réunion, certains représentants des confessions religieuses sont revenus sur la collaboration qu'ils entretiennent avec l'administration. Celui-ci pointe du doigt certains administratifs qui, selon lui, ne répondent pas aux correspondances leur adressées. Les gouverneurs des provinces ne nous répondent jamais quand nous leur adressons des correspondances. Je dis cela car j'ai deux lettres que j'ai adressées respectivement au gouverneur de Bujumbura et de Muramvya. Je n'ai jamais eu de réponse. Je voudrais vous demander de bien vouloir répondre quand nous vous sollicitons. Si par exemple nous demandons la conformité ou la prise d'acte au sein du ministère qui vous est confié, répondez-nous si notre demande est défavorable ou s'il y a des réajustements à faire. Sur cette demande, rappelle Martin Iterete, ministre en charge de l'Intérieur, tout citoyen a droit de réponse de la part de l'administratif, peu importe les demandes faites. Analyser la prise d'acte et indiquer ce qui est conforme ou pas est simple. Un gouverneur qui met de côté les correspondances lui adressées, c'est un problème. Car un administré a le droit de réponse à toute question qu'il pose. Il peut même poser une question en se trompant. Tu lui réponds car tu as l'obligation d'orientation. Quelqu'un peut amener les plaintes chez le gouverneur en pensant que c'est lui le chef. Dans ce cas, le gouverneur l'appelle ou lui adresse une correspondance pour orientation. Ce ministre salue le rôle que jouent les confessions religieuses dans le développement du pays. Actualité internationale. En actualité internationale, en RDC, l'opposition et la société civile critiquent le lancement de l'enrôlement des électeurs. Des centres d'enrôlement difficiles à trouver, des bureaux sans machines ou agents et la faible communication lancée samedi dans 10 des 26 provinces en vue des élections, dont la présidentielle et les législatives prévues le 20 décembre 2023. Le déroulement de l'opération d'enrôlement des électeurs peine à rassurer l'opposition. L'ouverture a été très timide et il n'y avait pas d'engouement dans les centres d'enrôlement. Selon les premières constatations du consortium des commissions des missions d'observation électorale citoyenne qui pointent un manque de sensibilisation des futurs électeurs. Pour Patrick Namboué, président de cette mission d'observation, la CENI a confondu vitesse et précipitation. De l'autre côté, au Congo-Brazzaville, Vox TV interdite de diffusion.

Actualité régionale. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité régionale. En RDC, les rebelles du M23 ont démoli samedi 24 décembre toute la toiture et arraché les tôles de la prison d'haute sécurité de Nyongera, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Selon les sources concordantes à Rutshuru et écrites par Okapi, ces assaillants ont également détruit la toiture des édifices destinés à abriter les usines de transformation des produits vivriers et agricoles en produits manufacturés destinés à l'importation. Toujours en RDC, le groupe rebelle congolais redouté M23 a accepté vendredi de se retirer de ses positions à Kibumba, à 20 km de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, montrant les premiers signes de dégel et de répit pour les civils, selon le journal The East African. Le groupe, qui avait été invité pendant 2 semaines à quitter les territoires occupés par les dirigeants régionaux, a déclaré qu'il préparait un retrait vendredi et céderait du terrain à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est déployée le mois dernier. Dans un communiqué, le M23 a déclaré qu'il remettait cette partie du pays aux forces régionales en tant que geste de bonne volonté fait au nom de la paix qui s'inscrit dans le cadre des recommandations du mini-sommet des chefs d'État tenus à Luanda, en Angola, le 23 novembre 2022. Actualité régionale. Poursuivons cette actualité régionale. Le pape François a appelé dimanche à mettre fin à la guerre « J'ouvre les guillemets, insensé, je ferme les guillemets » en Ukraine, dans son traditionnel message de Noël depuis la basilique de Saint-Pierre du Vatican. L'homme de 86 ans a également averti que le conflit vieux de 10 mois aggravait les pénuries alimentaires dans le monde, appelant à mettre fin à l'utilisation de la nourriture comme arme, selon le quotidien The Monitor. Il a appelé à plusieurs reprises à la paix depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février, condamnant la guerre mais cherchant à maintenir un dialogue délicat avec Moscou. Au Kenya, le président de la Commission indépendante des élections et des frontières, Wafula Chebukati, a déclaré qu'il ne regrettait pas d'avoir quitté ses fonctions après 6 ans de service. Il prendra officiellement sa retraite le 17 janvier 2023, la Constitution ne permettant pas de prolonger le mandat des commissaires au-delà de 6 ans. Monsieur Chebukati, le vendredi 23 décembre 2022, s'est dit fier du temps qu'il a passé au sommet de la commission où il a dirigé 2 élections majeures. Selon le journal kenyan Taifa Leo, le président a cependant déclaré que la commission avait rencontré de nombreux défis avant et même pendant les élections générales du 9 août 2022 qui devraient être résolues par le nouveau président qui sera nommé par ses collègues commissaires. Ainsi se referme cette revue de presse régionale. Elle vous a été préparée et présentée par Moïse Misago et Odin Daishimiye. Au revoir. Actualité régionale.